Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans Podcast Science numéro 28, avec Mathieu cette semaine et Antoine. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Salut professeur Fun, salut Salut, Antoine. salut! Salut, salut tout le monde, ça va? Ça va, ça va. Je crois que tu es très très en forme, Antoine, hein. Tu Ah bouillonnes oui! déjà à l'idée de nous présenter ton sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, mais je suis, comme on dit dans le sud, je suis au taquet. Donc, ça va envoyer du bois, comme on dit. Ouais, on a pu le constater dans le préalable de l'émission, t'étais bien chaud, hein. Ouais, ça surchauffe là, atmosphère C'est la surchauffe. jeunesse, hein, c'est la jeunesse. Science. Hop, Ouais, ça bah, ça joue. va avec la jeunesse, hein. Bon. Alors cette semaine, donc, vous avez préparé un dossier chacun. D'abord, on va faire un petit point sur les news, les différentes choses qui ont été partagées par nos amis, essentiellement dans Facebook. Donc tout d'abord, on a une proposition de Xavier Agnès d'aller faire un petit tour ensemble au musée. Donc il s'agit du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. Et le thème de l'expo, alors c'est pile dans la cible, c'est croire ou savoir. Le petit descriptif de l'expo dit la chose suivante. La Terre est ronde, bien sûr, mais l'espace est-il courbé? Et le temps, existe-t-il vraiment? Qui croire? Nous dit-on la vérité? Comment s'y retrouver dans l'avalanche d'informations scientifiques contradictoires qui se déversent sur nous? Mettez-vous dans la peau du scientifique et expérimentez vous-même. Une exposition sur la science, ses méthodes et ses limites entre savoir et croyance. Ça a lieu du 13 mars 2011 au 31 décembre 2012. Donc on n'est pas super pressé, mais enfin, chaque fois que c'est comme ça, moi j'ai tendance à louper les expos en me disant que je ne suis pas pressé, j'irai plus tard et puis j'y vais jamais. Celle-là, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc s'il y a des gens qui sont partants parmi nos poditeurs, on pourra aussi organiser une petite sortie ensemble. Ce serait une super bonne idée à l'initiative de Xavier. Alors dites-nous quoi, s'il y a des gens intéressés, manifestez-vous et puis ensuite on regardera pour les détails, on fixera une date. Bon, vous êtes un peu loin, hein. Oui, mais en fait, je Ouais. viens de me rendre compte, c'est jusqu'au 31 décembre 2012, c'est Ouais. ça? Du coup, on peut s'organiser, c'est vrai. Mais 2012, ça fait dans plus d'une année. Ou bien je me trompe? Non, c'est 31 décembre. Ouais, Ça fait dans plus d'une année. Ouais, ça fait dans. plus d'un an, Ah ouais, ouais. donc c'est une exposition. Ah oui, alors bah, parce que j'avais pas capté la date. C'est pour ça que je me dis, oui, non, ça va faire un peu juste pour moi, un peu loin et tout. Mais c'est vrai que là, si on a une année et demie devant nous, on a le temps On peut s'y prendre à de l'avance, quoi, bien s'organiser, sûr. ouais. Ouais, j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon copier-coller, mais non, c'est bien ça, 21 décembre 2012. Voilà. Bah Si écoute, on ouais, pourquoi pas, on existe encore, peut. il y a des prédictions Maya, tout ça, on ne sait pas. Ah non, c'était 21 décembre 2012, je viens de dire 31, donc on a 10 jours de moins, mais enfin quand même, on devrait y arriver. Oui, ça devrait aller. Donc ok, bah on va essayer de s'organiser en fonction d'une date où tu es en Suisse, d'une date où vous êtes les deux en Suisse éventuellement, ça serait Ouais, absolument ça serait sympa, ouais. ouais. Et puis, bah, en attendant, chères poditrices et poditeurs, bah, dites-nous si vous êtes intéressés, comme ça on fait un tir groupé. Voilà, sinon, bah, foison de news, évidemment, comme toujours sur Facebook cette semaine. Là, c'est Olivier Tripet qui a partagé un truc super. À l'occasion de l'année internationale de la chimie, Marc Montangero, prof de chimie au gymnase de Morges, donc un gymnase c'est un lycée, Morges c'est en Suisse, propose chaque samedi de 2011 une expérience scientifique simple et sans danger à réaliser chez soi, avec des produits ménagers courants. Ça me rappelle furieusement quelque chose. Ouais, donc c'est vraiment comme un confrère de nous, hein, parce qu'il fait comme un podcast, hein, c'est vraiment super sympa. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de lui envoyer un mail, et il est vraiment super intéressé pour intervenir une fois dans Podcast Science, et je pense qu'on va l'inviter prochainement, je pense. Ouais, absolument. Bah, la balle est dans mon camp, en fait. Il faut que je le contacte. Je peux Oui, bah, le faire rencontrer. t'es le plus près de là, Ouais. quoi. Mais je vais le faire demain sans faute, parce que c'est vrai que c'est chouette. Je pense qu'on aura plein de trucs à partager. Donc, on retrouve ces vidéos sur le site chimie.ch, tout simplement. Ouais, Il a trouvé un bon nom de domaine, lui, dis donc. c'est fort. Hein, Hein? ouais. Je ne savais même pas qu'il était Était libre, ou je sais disponible, pas, peut-être qu'il l'a racheté. Bon, il nous racontera tout ça s'il vient nous en parler. Eric Noël a partagé sur Facebook toujours une carte de la collaboration scientifique dans le monde. Alors, c'est assez intéressant, en fait. On voit les liens entre les universités européennes et sud-américaines, par exemple. C'est fait sur une carte à la Google Maps, où on voit relié par une espèce de trait lumineux, comme ça, les régions qui collaborent. C'est assez surprenant, en fait. Apparemment, il y a plus de coopération entre l'Europe et l'Amérique du Sud qu'entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Enfin, ça m'a un peu étonné. On mettra le lien, enfin tous les liens dont on parle là, à la place de vous renvoyer comme à chaque fois sur Facebook, on va les mettre dans les notes de l'émission. Parce que quelqu'un, je ne sais plus qui maintenant, nous a dit qu'il avait un souci pour accéder à Facebook. C'est vrai que c'est une bonne idée finalement qu'on les partage directement chez nous. Comme ça reste. Autrement, Forza Pedro a partagé une vidéo que je trouve vraiment très poétique, 5 minutes dans l'espace, avec une petite musique de fond, pas un mot, c'est juste magnifique. Vous avez eu l'occasion de la regarder? Même pas, j'ai même pas eu le temps. C'est quoi? C'est un décollage? Je suis passé à côté, moi aussi, alors, malheureusement. Alors, Qu'est-ce que entre c'est? autres, il y a plein de choses. Ça commence avec un décollage de la navette. Et puis après, il y a toutes sortes d'images juste magnifiques, quoi. Enfin, vous irez voir. Le lien est Ah, dans mais les là, c'est notes de sûr. l'émission. Ça vaut la peine. Xavier Agnès, toujours lui, a également partagé une vidéo assez extraordinaire. C'est un sujet de 36.9, l'émission scientifique de la TSR, donc la télévision suisse, sur un exemple de dénialisme qui conduit jusqu'à la mort. Et qui nous rappelle qu'écouter des charlatans plutôt que des médecins en cas de cancer ou de maladie grave, ben, est un sacré raccourci, quoi, pour accélérer le chemin vers la fin. Alors malheureusement, la vidéo n'est déjà plus en ligne, mais en principe, elle est encore accessible par podcast. Donc on mettra le lien RSS et le lien iTunes sur le site. Faut y aller assez vite parce que c'est vrai que ça reste pas très longtemps en ligne ces choses-là. Ouais, d'ailleurs, moi, depuis l'Espagne, justement, je peux pas accéder aux vidéos de la TSR, de la télévision suisse, mais via le podcast, oui. Donc, D'accord. voilà. Ouais, donc problème Faut peut-être pas réglé le dire alors. trop fort, ça doit être un oubli technique du côté de la TSR. Mais enfin, profitons-en, c'est bien parce qu'elle est vraiment drôlement bien, cette émission. Alors, s'il y a une émission de la TSR qu'il faut regarder, c'est celle-là. Sinon, encore une vidéo partagée cette fois par Forza Pedro, encore une fois. C'est l'interview de Daniel Temmet, atteint du syndrome d'Asperger, je crois que ça se prononce comme ça, Asperger, qui est capable de réciter par cœur 22 514 des décimales de pi, ça dure 5 heures. Et ben, il raconte en fait que quand il pense aux chiffres, il voit des couleurs. Ouais, en fait j'avais vu ça quand j'ai travaillé sur la bosse des maths, donc mon dossier de la semaine dernière, et en fait on appelle ça un synesthète. Un synesthète, c'est quelqu'un qui arrive à associer un autre sens, à associer deux sens en même temps. Oui, d'ailleurs, j'ai écouté aussi un podcast qui parlait justement de ce phénomène qu'on appelle la synesthésie, très très intéressant. Je crois qu'on a dû écouter le même, ça doit être. De sur les épaules de Darwin. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, c'est sur les épaules de Darwin. Et voilà, et en fait, donc ça disait bien sûr que le fait d'être synesthète, de voir des couleurs associées aux chiffres, ça permettait évidemment mieux la mémorisation, mais ça gêne beaucoup pour le calcul, par contre. C'est ce qui a été dit dans le podcast La tête au carré sur la bosse des maths. C'est un sujet qu'on pourrait traiter une fois, la synesthésie, parce que c'est assez surprenant hein, comme phénomène. Bon, Mathieu, c'est un engagement. Oui, pas de souci. Mathieu, il prend tout, il prend tout. Alors, c'est noté. On se réjouit déjà. Puis vous avez dit que c'était dans le podcast Les épaules de Darwin pour qu'on mette le lien. Ouais, mais il faudra faire attention cette fois si on met le lien, parce que la semaine passée, soit dit en Ouais, c'est passant. juste. Ouais, Oui. non, on va pas mettre le lien. Faut pas qu'on mette de lien sur d'autres podcasts. C'est une catastrophe d'ailleurs. Toutes mes Bah, excuses on peut auprès mettre un de lien vers l'auditeur. on peut mettre un lien vers la page. Ouais, La bonne idée, page. on Et peut mettre un pas lien par vers le la page. téléchargement direct. Exactement, ouais. Ouais, mais cet imbécile d'iTunes, il suffit de mettre deux liens sur MP3, il prend forcément le mauvais pour en Oui, faire le podcast. mais mon lecteur de podcast aussi, là, dans mon téléphone, il a aussi pris le mauvais, C'est vrai? quoi. Ah, c'est Ouais, pas qu'iTunes, alors bon, ouais. bah voilà. Autant pour moi, je ferai plus. Je suis vraiment désolé. Non. Sinon, alors on a Olivier Tripet et François Hudréa qui partagent la même news. C'est le redémarrage du collisionneur de Hadron du CERN, donc qui reprend du service après le décrassage d'hiver, toujours à la recherche du boson de Higgs. Un autre lien d'Olivier Tripet qui nous indique que la journée terrestre est raccourcie de 1,8 millisecondes à cause du tremblement de terre au Japon. Ouais, ça c'est dû au changement d'axe de la Terre, ou à la modification de. Je crois l'axe de la Terre a été modifié d'environ 10 cm à cause du tremblement de Terre, et l'axe de rotation donc est un petit peu angulaire, et le fait que ça ait été déplacé, ça forcément ça raccourcit un petit peu la journée. Est-ce qu'il y aurait des conséquences? Franchement, non. Non, non. Je pense que c'est assez insignifiant On pour avoir une grosse conséquence. Ouais, 1,8 millisecondes, je pense qu'on va survivre. ouais, ça devrait passer Ah, assez. mais non, je parle pas pour nous, bien sûr, mais je parle plus Les pour les systèmes instruments à informatiques, des mesure, choses ouais, comme ça. les GPS, les trucs comme ça. Ouais, je suis pas sûr. En fait, les 24 heures, elles sont plutôt théoriques, non? Il y a des fois on est dedans, d'autres fois on est en dessus, en dessous. Ouais, sûrement, ouais. Ouais. Ça doit être sûrement une norme, en fait, ouais. Voilà, sinon en parlant toujours de la catastrophe du Japon, François Audrey nous rappelle qu'il y a toujours des prophètes et des pseudo-scientifiques dans le coin pour nous rappeler qu'ils avaient bien sûr prédit la catastrophe, en l'occurrence à cause d'un alignement particulier des planètes. Bon, no comment, là on va pas mettre le lien. Sinon, Olivier Tripet a partagé une vidéo géniale sur l'effet placebo. Alors celle-là aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, allez la regarder, c'est nickel. On avait fait un sujet dessus. Ça illustre bien. Ah, ça fait plus qu'illustrer, ouais. Non seulement ça reprend pas mal des choses qu'on avait dites, mais ouais, je trouve super efficace. Il y a la vidéo en plus, et puis un vrai talent de, enfin, un immense talent de vulgarisation derrière. C'est vraiment top, quoi. C'est en francophone, anglophone? C'est anglophone. C'est anglophone? Merci. Je me rappelle plus. D'accord. Mais D'accord. c'est une sorte d'animation. C'est vrai que c'est bien Ouais. fait, ouais. Ouais. Voilà, sinon encore une news de Xavier Agnès sur la sonde Messenger qui fait son petit bout de chemin vers Mercure. Je crois que c'est la première fois qu'on envoie un objet sur Mercure, enfin qui va l'observer de près, on devrait bientôt avoir des images. Et puis encore un lien super de Forza Pedro sur les fourmis zombies. Bon, malheureusement, dans le lien, il n'y a pas de vidéo. Je vais farfouiller un peu parce que je me rappelle d'un documentaire de Richard Attenborough sur la BBC qui montrait ce phénomène à l'œuvre. C'est donc un champignon qui prend le contrôle d'une fourmi, en fait, et qui lui fait faire ce qu'il veut. Enfin, c'est fascinant comme truc, c'est de la science-fiction. Ça a l'air d'être de la science-fiction, puis en même temps, c'est la réalité Ouais. depuis plusieurs millions d'années. Fourmi qui est à donc qui cime des arbres et qui est forcée à cause de son champignon à aller se terrer dans les racines. Donc un comportement qui est pas du tout dans son habitude et c'est là qu'après le champignon se développe à l'intérieur. C'est vraiment fascinant. Ouais, non, ça c'est épatant, ce genre de truc dans la nature. Et puis il y en a d'autres d'ailleurs. Ça serait pas mal qu'on fasse un petit sujet là-dessus une fois. Bon, ma professeur Fun, je crois que c'est. Alors, ça c'est mon Là, engagement cette fois-ci. ça se renvoie, ok. Ouais, bon, je me le note. Ok, et puis donc voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. Si vous avez des news à partager, n'hésitez pas. Là, on a repris celles de Facebook, mais vous pouvez aussi les partager par Twitter ou par email, par le formulaire de contact, à travers des commentaires sur le site. C'est un plaisir de partager ces news dans le podcast. N'hésitez pas, allez-y, bombardez grave, on aime ça. Voilà, sinon encore une dernière petite chose. C'est une proposition de covoiturage pour notre sortie au CERN. Antoine, tu peux nous en dire un mot? Oui, alors c'est Matt Gnou sur Twitter qui m'en a parlé. Et en fait, il m'a donné la bonne idée de proposer des covoiturages parce qu'en fait, y en a qui vont venir d'assez loin, je pense. Je pense surtout à Camphis qui vient de Bretagne, déjà. Et donc, Matt Gnou, lui, il est à Clermont-Ferrand. Donc voilà, et il se propose d'emmener tous ceux qui sont sur le chemin jusqu'au CERN, voilà. Et donc Entre après, Clermont-Ferrand et Genève, ouais, donc. entre Clermont-Ferrand et Genève, voilà. Donc voilà, il est tout seul, donc il y a 4 places dans sa voiture. Excellent, l'appel est lancé. Voilà. Voilà, donc on arrive gentiment à l'heure des dossiers. On va commencer avec celui de Mathieu. Mathieu, tu nous parles de quoi cette semaine? Alors, je vais vous parler de la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Ah. Alors, bon, je me suis rendu compte en préparant ce dossier que c'est plus facile à comprendre quand ça vient accompagné d'images et de photos. Donc, dans le dossier qui est publié sur le site, il y a tout un certain nombre d'images qui aident à comprendre ce que sont la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Donc là, bon, forcément, dans le podcast, on va faire sans, mais je pense qu'on va quand même s'en sortir. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que la suite de Fibonacci doit son nom au mathématicien italien qui s'appelait Leonardo Fibonacci, qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Et ce mathématicien est connu pour avoir introduit et popularisé en Europe et en Occident la numérotation indo-arabe, qui a remplacé pour les calculs la notation romaine, peu pratique aux opérations arithmétiques. Ah, tu m'étonnes, moi je me demande toujours comment ils s'en sortaient, ces pauvres Romains, avec ce système. Ouais, et donc voilà, la numérotation indo-arabe, c'est celle qu'on utilise actuellement, toujours, et qui fait bien son boulot. Donc il est aussi connu pour avoir mis en évidence une suite mathématique qui porte désormais son nom. Dans cette suite de Fibonacci, il n'est en fait, enfin comme dans toutes les suites mathématiques, il n'est pas nécessaire de mémoriser chacun des termes ou nombres de la suite. D'ailleurs, cette suite est infinie. Donc pour mémoriser, ça risque d'être un peu dur. Mal barré. Peut-être notre ami qui calcule toutes les décimales de pi pourrait le faire, mais dans la news que tu as annoncée avant, professeur Fun. Mais bon, généralement, dans les suites de Fibonacci, il suffit de se rappeler sa règle de construction, en fait, qui est la suivante. À l'exception des deux premiers termes de la suite, chaque terme est égal à la somme des deux termes qu'il précède immédiatement. Dit autrement, il s'agit d'une suite de nombres dans laquelle tout nombre, à partir du troisième, on enlève les deux premiers, suite dans laquelle tout nombre est égal à la somme des deux précédents. Donc là, je vais l'énumérer telle quelle, la suite. Donc le premier terme de la suite, c'est 1. Le deuxième, c'est 1. Ces deux premiers termes, ils ne rentrent pas en compte dans la règle générale, d'accord? Les deux premiers, c'est 1 et 1. Ouais, enfin je trouve que le deuxième si. 1 plus le 1 précédent plus qui serait rien, 0, ouais, 1 ouais, plus 0 égale 1 si on toujours. prend le 0, mais le 0, alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas inclus dans la suite. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que vu comme ça, on pourrait Ça doit presque. être une convention, je pense. Une convention. Et donc le troisième terme est en fait la somme des deux premiers, donc 1 plus 1 est égal à 2, donc le troisième terme c'est 2. Le quatrième terme c'est la somme du deuxième et du troisième terme, donc 1 plus 2, 3. Et ainsi de suite. Donc après, on arrive à le cinquième terme est le 5, après 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Donc il suffit de prendre deux termes de départ et les ajouter dans le troisième. Puis le deuxième plus le troisième donne le quatrième, et ainsi de suite. Les termes de cette suite sont aussi appelés nombres de Fibonacci. La suite de Fibonacci possède de nombreuses propriétés très utilisées en mathématiques. Une d'entre elles est que le rapport de deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur à un nombre remarquable qu'on appelle nombre d'or. Ce nombre d'or, il vaut 1,618033398. Donc en gros 1,618. D'accord? On peut aussi l'exprimer différemment. C'est aussi exprimé avec la formule 1 plus racine de 5 divisé par 2. Donc ça donne cette valeur de 1,61803 qui est le nombre d'or. Et si on reprend la suite de Fibonacci, on se rend compte que par exemple, si on prend deux termes successifs, par exemple 8 et 13, et on divise 13 par 8, le résultat ça donne 1,625. C'est juste au-dessus du nombre d'or. Si on prend les deux termes suivants, 21 et 13, on divise 21 par 13. C'est 1,61538. C'est juste en dessous du nombre d'or. Les termes suivants, 34 et 21, 34 divisé par 21, 1,619. C'est juste au-dessus. Et ainsi de suite. Et plus on avance dans la suite de Fibonacci, plus l'écart s'amenuise, et plus le rapport des deux nombres successifs, le plus grand divisé par le plus petit, tend vers la valeur du nombre d'or. C'est génial. D'accord? En géométrie, le nombre d'or est la valeur qui correspond au rapport entre deux longueurs. On va les appeler A et B. Donc le rapport entre la plus grande, par exemple la longueur A divisée par la plus petite, la longueur B. Tel que A plus B divisé par A est égal à A divisé par B. D'accord? Donc tant que cette équation est valide, pour tout A et B qui valide cette équation, le rapport est le nombre d'or. Oui, donc D'accord? en fait, quand tu parles de rapport, c'est comme des proportions. Ouais. D'accord. Et le nombre d'or était déjà utilisé par les Grecs, comme par exemple dans le Parthénon, C'était le temple que les Grecs consacraient à certains de leurs dieux, dont le fronton, donc la façade frontale, est inscrit dans un rectangle dont les longueurs des côtés adjacents ont le nombre d'or comme rapport. C'est-à-dire la hauteur divisée par la largeur donne le nombre d'or. Les peintres et architectes comme Botticelli, Salvador Dali ou Le Corbusier, pour ne citer qu'eux, l'ont aussi utilisé dans leurs œuvres. Le nombre d'or est souvent associé à des qualités esthétiques particulières et à des proportions harmonieuses. On constate aussi généralement que le rapport de la taille d'une personne avec la hauteur de son nombril est proche du nombre d'or. Ouais, c'était ce que Léonard de Vinci. Léonard de Vinci a Oui, montré dans c'est l'homme l'homme de de Vitruve. Vitruve. Ouais, tout le monde a lu son Da Vinci Code, je vois. C'est les sources. Mais en fait, j'ai lu que les. Parce que dans cette œuvre de Léonard de Vinci, il y a différentes proportions qui sont mises en avant, et plusieurs sont soi-disant en train de donner le nombre d'or, mais évidemment, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai? Oh Ouais. mince, encore un mythe qui s'effondre. Mais bon, il y a différentes théories, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas si vrai que ça. Bon. Mais bon, dans la nature, on retrouve très souvent des motifs basés sur la suite de Fibonacci et sur le nombre d'or. Il semblerait que la nature marque une prédilection pour la suite de Fibonacci et pour ce nombre d'or. Par exemple, on les retrouve dans ce qu'on appelle les pommes de pin ou les pives. Alors après, j'expliquerai un peu comment on retrouve ça dans la nature. Mais quelques exemples là en vrac, donc dans les pommes de pin, dans les marguerites, les ananas, les tournesols, les cactus, dans les étoiles de mer, dans les coquilles de mollusques, dans la forme des galaxies, dans la forme des cyclones météorologiques. Donc, on retrouve ça très souvent dans la nature. Et on remarque par exemple que le nombre de pétales des fleurs est souvent un des nombres de la suite de Fibonacci. Par exemple, les lys ont trois pétales. Trois, c'est un des termes de la suite. Les boutons d'or en ont cinq. Les chicorées en ont 21. Les marguerites ont souvent 34 ou 55 pétales. Donc, tous ces nombres sont des termes de la suite de Fibonacci. Ouais, c'est marrant. Dans certains objets de la nature, on observe aussi très souvent des spirales qu'on appelle spirales logarithmiques ou spirales d'or, dans lesquelles intervient le nombre d'or. En fait, ces spirales qu'on voit, ces spirales d'or, s'inscrivent dans un rectangle dont les proportions, donc nouveau rapport de la longueur sur la hauteur, correspondent au nombre d'or. Donc la spirale s'inscrit dans un rectangle ayant des proportions correspondant au nombre d'or. Et OK. ces spirales, on les retrouve donc justement par exemple, vous verrez, il y a des photos dans le dossier, on les retrouve sur les coquilles de mollusques, on retrouve les galaxies, elles sont souvent représentées, enfin on les voit en spirale, et ces spirales suivent aussi ces spirales logarithmiques et le nombre d'or, les spirales qu'on voit quand il y a des cyclones météorologiques. On observe de même sur de nombreux objets naturels que ces spirales forment des hélices et que le nombre d'hélices est intimement lié à la suite de Fibonacci. Si on observe par exemple l'arrangement des écailles qui s'alignent et s'enroulent autour d'une pomme de pin, donc si on regarde une pomme de pin vue de haut, on constate que chaque écaille appartient à deux hélices qui tournent en sens opposé. L'une tourne dans la direction gauche et l'une tourne vers la droite. Si on compte le nombre d'hélices qui tournent vers la droite et le nombre d'hélices qui tournent vers la gauche, on remarque que le couple de nombres que l'on obtient est formé de deux représentants successifs de la suite de Fibonacci. Typiquement, dans une des photos qu'il y a dans le dossier, on compte 8 ou 5 spirales tournant respectivement vers la droite ou vers la gauche. Et 8 et 5, c'est justement des termes de la suite de Fibonacci. On voit aussi le même phénomène dans les graines de tournesol, qui forment aussi des hélices en spirale, et le nombre de ces hélices correspond aussi à des termes de la suite de Fibonacci. Donc, il y a aussi une photo sur le site, ces graines de tournesol, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la fleur. Vous verrez, c'est très parlant. Ouais, ce que vous appelez les pipas en Espagne d'ailleurs. Ah oui, c'est juste un. Ah, c'est ça les pipas? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Que tout le monde mange dans les stades de foot quand il y a un match, c'est le gros classique. Tout le monde mange des pipas. Ouais, sans D'accord. penser un instant à la suite de Fibonacci. Non, probablement pas. Quel blasphème. Donc, Pour expliquer pourquoi la nature semble si proche des mathématiques, il faut prendre en compte la question d'efficacité dans ces arrangements géométriques. Par exemple, pour favoriser le processus de croissance des plantes et l'optimisation du remplissage de l'espace. Mais on peut se poser la question si l'esthétique géométrique n'aurait-elle pas le même effet, par exemple, sur les abeilles que les couleurs des fleurs, aidant ainsi à la pollinisation et donc à la reproduction des plantes. Mais cette fonction esthétique de la suite de Fibonacci n'a en réalité pas clairement été démontrée. On retrouve la suite de Fibonacci dans plein de domaines. Je vais en citer deux. L'un de ces domaines, c'est les finances. En finance, je vais rentrer un peu dans des termes techniques de finance, mais j'ai essayé de faire le plus simple possible, alors je suis de loin pas un expert. Hein. Mais en finance, dans ce qu'on appelle l'analyse technique des marchés financiers, on utilise un outil appelé retracement de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci correspondent généralement à des supports ou à des résistances naturelles sur lesquelles les prix vont buter. On se base donc sur l'idée que l'on peut prédire les mouvements boursiers en fonction de ratios ou de seuils qui font référence à la suite de Fibonacci. Ces ratios sont en fait obtenus en divisant un nombre de la suite de Fibonacci par le nombre suivant. Ce qui se passe, c'est que donc ces ratios permettent de définir des seuils vers le bas ou vers le haut, vers lesquels vont buter des prix ou des valeurs boursières. Mais sachant que tous les analystes financiers et que les traders de la planète regardent ces ratios, ils ont en fait un caractère autoréalisateur. Ouais, c'est parce qu'ils calculent ça que ça marche. Enfin, ouais, que ouais, tout le monde assume que ces seuils, quand on arrive à que les prix vont s'arrêter à un seuil vers le haut ou vers le bas basé sur ce retracement de Fibonacci, bah, tout le monde achète et vend à ce moment-là. Parce que tout le monde se base sur ce même indicateur, donc bon. Ouais. Voilà. Les finances, on va peut-être pas en parler trop. Hein. et sinon, dans la musique aussi. Et alors, j'ai mis une petite vidéo dans le dossier. Il y a un morceau qui s'appelle Lateralus d'un groupe américain de rock progressif qui s'appelle. Ce groupe s'appelle Tool. Et on voit que dans le morceau qu'ils ont composé, le rythme et le nombre de syllabes des paroles suivent la suite de Fibonacci. Donc c'est assez amusant quand on regarde la vidéo parce que c'est expliqué, puis on voit que les paroles. Il y a 3 syllabes, après 5 syllabes, après 8 syllabes, donc ça suit clairement la suite de Fibonacci. C'est fait volontairement par le groupe, oui. Mais c'est assez intéressant. Ils sont cassés la tête, là. Ouais. Et alors, voilà pour ce dossier, j'arrive au bout. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos sur le site, c'est très parlant. Non, je suis en train d'ailleurs de regarder le dossier, et franchement, les photos sont superbes. Quoi. On voit vraiment la... Enfin, ça se voit quoi, qu'il y a quelque chose, une organisation mathématique des formes. Là, je suis en train de regarder la coquille du mollusque. Là. Mm-hmm. Ça fait vraiment une spirale. C'est parfait. Quoi. Ouais, parfait. Mm. Et justement, en-dessus, il y a l'équivalent géométrique spirale et ça correspond ouais. Bon, après, on change d'échelle avec la spirale de la galaxie. Moi ça me surprend, alors c'est vrai que visiblement c'est le cas, mais c'est quand même surprenant que les spirales des galaxies soient vraiment inscrites dans un rectangle qui a comme proportion le nombre d'or. Moi ça me paraît tout juste hallucinant quoi, que ce soit aussi bien calqué. Mais ça c'est démontré? Mais écoute, visiblement, moi, ça me paraît quand même assez fort, quoi. Mais Je veux bien que ça fasse à peu près, mais c'est vrai que totalement. Bon. Bon, il doit y avoir même 2-3. T'es tombé sur des recherches qui l'indiquaient ou t'es parti d'un article qui cite ses sources? Oui, mais écoute, les articles, la Wikipédia, différentes sources sérieuses, ouais. Ok. Mmh. Ouais, marrant. Bon, le simple fait qu'il puisse y avoir un lien entre les mollusques et les galaxies, moi j'adore. Bon, on est tous un peu des poussières d'étoiles, non? C'est la théorie du tout. Ce que par contre j'ai lu, que quand on dit que, par exemple chez les Grecs, justement chez les Romains, il y avait un certain nombre de constructions, d'architecture qui... Antoine, je crois que tu bricoles avec ton fil de... en fait, il est tombé. Ah, d'accord. Ah voilà. C'est bon. Non, ce que je disais, c'est que on dit souvent que chez les Grecs et les Romains, les constructions d'architecture ont aussi des proportions qui se basent sur le nombre d'or. Là, il y en a qui disent, j'ai lu un ou deux articles qui disent qu'en fin de compte, c'est pas tout à fait vrai. Comme ce que vous avez dit à propos, comme on a dit à propos de Léonard de Vinci auparavant, c'est pas si nombreux d'or que ça. Mais bon. Ouais, ça fait partie de ces mythes qu'on aime bien entretenir. Ouais, c'est Ouais. tellement beau de pouvoir tout mettre dans des chiffres et tout, Ouais, bah mais. c'est la vie. Moi, j'avais juste un commentaire à faire au sujet de l'esthétique et des abeilles. Voilà, je voulais juste dire que le miel de tournesol est particulièrement crémeux. Je suis convaincu que les abeilles doivent effectivement trouver les tournesols très jolis. Ouais, mais ça aussi, justement, ça aussi, ça n'a pas été clairement démontré que l'esthétique géométrique attire les abeilles. Ou est un rôle dans la nature pour certains processus naturels. Que cette esthétique du nombre d'or ou de la suite de Fibonacci est un rôle. Mais il y a eu pas mal de théories hein, basées là-dessus. Mais j'ai aussi lu un ou deux articles qui démontent un peu cette théorie. Mais t'as goûté du miel de tournesol récemment? Écoute, je ne suis pas un grand amateur de miel, donc. Ah, C'est comment? voilà, C'est voilà. bon? Ouais, bon, tous les miels sont bons, mais celui de tournesol, il a cette texture particulière, cette couleur particulière, un peu plus, ouais, plus couleur cire que les autres miels. Et c'est vachement bon. D'accord, Voilà. Aucun ok. rapport, mais c'est ma petite contribution. Excellent, ben merci bien Mathieu. Super dossier. Et puis ben, on va passer au deuxième dossier de la semaine. Donc c'est Antoine. Antoine, tu nous parles de quoi? Attends, alors ça commence bien parce que j'ai déjà oublié de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Pourtant, tu frétillais. Ouais. Ah oui, c'est bon, c'est bon. En fait, je voulais vous parler de la mémoire. Ouais. Bon, d'accord, c'est vraiment pas la meilleure introduction que j'ai faite. Ah non, mais elle va rester dans les annales. Écoute, on Ouais, fait ce mais qu'on peut, on fait ce qu'on peut. même faisait bien rire, déjà rien qu'en l'écrivant, donc à l'oral ça passe peut-être moins bien, mais bon, c'est pas grave, j'assume totalement. Donc je préviens les gens, je suis en forme aujourd'hui, donc Aïe. je vous ai pondu un truc un peu out of the box, comme on dit, un peu hors des sentiers battus, donc on va voir ce que ça donne. Alors bon, plus sérieusement, la mémoire, c'est un sujet que mon ami Camphis, donc du podcast Les Projets du Web, m'a gentiment proposé par mail. Donc, il s'étonnait, lui, de la capacité de son cerveau à emmagasiner des connaissances sans visiblement en perdre. Donc, bon, moi, je me suis dit, wouh, super sujet. Donc, Camphis, je te remercie pour l'idée du dossier, quoi. Donc, voilà. Alors, comment fonctionne la mémoire? Où est-elle située dans notre cerveau? Y a-t-il plusieurs types de mémoire? Vous saurez absolument tout dans la suite de l'épisode. Qu'est-ce que tu nous fais là? Attendez, j'ai pas fini. Effectivement, très en forme. Et donc voilà, donc tout d'abord, la mémoire se passe dans notre cerveau. Et comme tout ce qui touche cet organe, elle est encore très très mal connue. Mais la science avance petit à petit, on commence à en savoir un peu plus. On va commencer par un petit récapitulatif de nos connaissances. Donc la mémoire, elle est intimement liée à l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette structure cérébrale qui est enfouie dans notre cerveau. Il serait en quelque sorte l'organisateur des informations qu'on a à stocker. Deuxième chose qu'on sait, c'est que ces informations seraient ensuite dispatchées, envoyées en périphérie de notre cerveau, ce qu'on appelle le cortex, ou plus simplement la célèbre matière grise. Et enfin, à chaque mémorisation, les neurones de ce cortex créent entre eux des connexions, et ce sont ces circuits qui stockeraient l'information. Voilà. Donc ce stockage en périphérie, bien sûr, il ne se fait pas au hasard. Les images sont stockées près de l'aire visuelle du cerveau. Il en est de même des sons qui sont à côté de l'aire auditive, etc., etc. C'est plutôt pratique, surtout pour réutiliser le souvenir par la suite. Donc le cerveau est quand même magnifiquement fait. Une chose, est-ce que vous savez quel stimulus on mémorise le mieux? Ça doit être le sens olfactif, non? Non, alors justement pas, je dirais moi. Ouais? Tout le contraire. Alors, qui dit quoi? Moi, je dis les autres. Dis Moi, quoi? je dis le goût. Toi, tu dis le goût, Mathieu, et Alain, tu dis Les odeurs. les odeurs. Eh bien, c'est Alain qui a gagné. Contrairement à ce que l'on pense, c'est le monde évanescent des odeurs que l'on capture le mieux dans notre cerveau. Et les, Mais non, et les... non, non, non, non, non. Attends, attends, attends, attends, attends, Mathieu, Mathieu, tu vas voir, tu vas voir. Faut pas vous battre. Mathieu, là, il commence, là, non, t'inquiète. L'explication est une fois de plus biologique. Alors, devinez où est située l'aire olfactive. Bah, pas très Bingo. loin du nez. Ouais, non. Non, l'air, en fait, oui, c'est vrai aussi, mais elle est surtout pile devant l'hippocampe, en fait. Ah. C'est pour ça, en fait, Mathieu, tu t'en rends peut-être pas compte, mais on a une mémoire quasi absolue, quoique associative, des odeurs. Mais En fait, écoute, je c'est... suis très surpris parce Vas-y. que j'ai fait un ou deux cours d'œnologie, donc et justement, on constate quand on essaye de goûter des vins et surtout de les sentir, comme c'est difficile de se rappeler des odeurs de vin et de détecter à quoi ressemble un vin, à quel fruit ou comme ça au niveau de ses odeurs. Et justement, quand on voit des animaux qui sont beaucoup plus performants que nous, je me dis que justement, on a un odorat pas très performant, Ah nous, oui, humains. je te parle pas de la performance de l'odorat, je te parle du souvenir en fait. Alors là, si je sais pas ce que tu mangeais quand tu étais petit, quelque chose que de fait maison, je me rappelle moi des tartes aux pommes de ma mère, et la première chose qui me vient, c'est pas le goût, c'est l'odeur. Tu vois, c'est l'odeur associée au souvenir. Oui, mais En alors faites fait, le test justement avec des vins. Vous prenez deux, vous faites oui, une mais ça c'est. dégustation à l'aveugle avec des odeurs de différentes bouteilles et vous mettez deux fois la même bouteille et voir si votre mémoire vous dit que vous avez déjà senti ce vin. C'est pas facile, ça, hein, mine de rien. Ah, je te Et parle pas c'est de. un sacré entraînement. C'est un sacré entraînement. Oui, ça, à mon avis, c'est parce que pour c'est plus des choses qui sont très, comment dire, plus fines, tu vois ce que je veux dire? Moi, je te parle de choses qui sont assez, qui La sont. friture, par exemple. Oui, la friture, les trucs assez communs. En fait, je te parle de ça parce que dans les déficits de mémoire, la première chose qu'on stimule pour essayer de retrouver la mémoire, c'est l'odeur. Tu vois, c'est l'odeur, par exemple, l'odeur des fraises Tagada pour essayer de retrouver l'enfance, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc le stimulus le qu'on mémorise le mieux, normalement, je me renseignerai pour savoir pour dans le cas de l'œnologie, mais non, c'est les odeurs. Donc d'ailleurs, à ce sujet, une fois n'est pas coutume, une petite parenthèse. Je vous conseille un roman fabuleux de Patrice Huskin qui s'appelle Le Parfum. Ah ouais, grand Ouais, classique. grand classique, mais en fait, il traite merveilleusement bien du royaume des odeurs. Et il y a aussi un peu de mémoire, tout ça. Et c'est un régal à lire. Franchement, c'est vraiment un régal. Donc, ça doit être un de mes livres préférés. Donc voilà. Fin de la parenthèse. Voilà. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur la biologie de la mémoire, intéressons-nous à la façon de mémoriser. Pour ça, on va faire un petit jeu. Aïe. Alors, ladies J'ai and peur, gentlemen, je faites un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Mathieu. Mathieu, Oui, t'es je suis là? là, oui. Ok. Alors, bonjour Mathieu, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour Antoine, je suis informaticien. D'accord, ok. Ça va, pas trop le trac pour ce premier jeu? Non, je suis prêt. D'accord, ok. Alors, écoutez-moi bien, Mathieu. Je vous explique les règles qui sont toutes simples. Je vais vous donner trois défis. Si vous répondez juste, vous gagnez le méga prix. Alors attention, le méga prix qui est, je le rappelle à nos chers spectateurs, un abonnement à vie au magnifique Podcast Science. Donc, beau cadeau, hein, n'est-ce pas? Super, ouais. Superbe. Si vous répondez faux, bah, bah on vous offre quand même l'abonnement. C'est comme ça, la maison est généreuse. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, Mathieu? J'ai droit à un joker? Non, pas de joker, pas d'appel à un ami, rien. Vous êtes D'accord. seul, ok? Sans filet. Voilà, Ok. sans filet. Donc, défi numéro 1, mémorisez cette suite de chiffres. 1, 4, 6, 3, 5, 7, 9. Est-ce que vous pouvez me les réciter? 1, 4, 6, 3, 5, 7, 9. Bravo! Défi numéro 2. Combien font 24 plus 15? 39. D'accord. Ultime défi. Alors, défi numéro 3. Redonnez-moi la série de chiffres du défi numéro 1. Bon, écoute, j'ai triché, je les ai notés. Ah! Ouais, tu as noté parce que sinon, en fait. J'aurais pas pu le dire. j'aurais pas vu en fait. Ouais, quel dommage. Non, je pense que j'aurais pu dire les deux premiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 1 et le C'est 4. comme ça que ça fonctionne en fait. Donc voilà, maintenant vous pouvez l'applaudir bien fort, même si vous avez raté. Bravo Mathieu. Donc bon, plus sérieusement, hein, que nous apprend ce jeu podcastique au budget époustouflant? Alors, il nous confirme l'existence d'une mémoire à court terme. Pour ça, j'ai utilisé la méthode qu'on appelle la méthode de l'empan mnésique. Empan, E-M-P-A-N, et pnésique, M-N-E-S-I-Q-U-E. Vous savez, l'empan, c'est comme la distance entre. Normalement, je crois que c'est la distance entre le pouce et le majeur. Je crois que c'est ça. Ouais, je me Bref. rappelle plus ce que c'est. Je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, l'empan pnésique, qui lui mesure le nombre d'éléments que l'on peut retenir. Donc, la limite est normalement de 5 ou 6. En fait, Mathieu, tu partais vraiment perdant dès le départ, quoi. Et donc, cette MCT, cette mémoire à court terme, est indispensable. Elle ne dure pas très longtemps, c'est une trentaine de secondes, mais elle nous permet des choses très utiles comme taper un numéro après l'avoir lu sur un bout de papier, lire ou plus généralement apprendre. En effet, parce que la MCT, la mémoire à court terme, c'est la première phase du traitement de l'information. Une fois dans ce circuit, si on veut la retenir, on a deux choix. On a l'auto-répétition de maintien. On répète et répète encore cette information, ce qui la maintient dans la mémoire à court terme. Sinon, on a aussi l'auto-répétition d'intégration. Là, on l'associe avec une information déjà connue. Grâce à ces deux méthodes, l'information se grave des chemins dans l'autre type de mémoire, la mémoire à long terme. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette mémoire est notre façon habituelle de stocker sur la durée les informations. C'est grâce à elle que je sais par exemple que Pontenben Salbalas Dicebe sont les impératifs irréguliers de la langue espagnole. Je crois que tu peux me confirmer ça, Mathieu? J'ai rien compris à ce que tu as dit, tu peux répéter? En fait, c'est Pontenben Salbalas Dicebe. Ce sont les premières personnes des impératifs irréguliers de la langue espagnole. Alors écoute, là, ça me dit rien comme ça. Ouais, Je sais pas si c'est l'accent ça doit être ou l'accent, j'ai ça pas doit être très bien l'accent. compris, mais. Ouais, ce sont des verbes irréguliers de la langue espagnole. Et en fait, la deuxième personne de l'impératif est irrégulier. Mais tu parles de quel verbe? Le verbe Poner? Ah, poner, poner. c'est Poner. pon. Ouais. Tener, c'est ten. Ouais. Benil, c'est ben. Ah oui, Sali, d'accord. c'est sale. Ouais, tout à Ah oui, fait. désolé. Oui, c'est vu comme c'est écrit, c'est beaucoup plus simple. Mais quand, oui. En fait, pour la petite anecdote, c'est la façon dans laquelle je les ai appris. C'est mon prof d'espagnol au collège qui nous avait dit, apprenez-les dans cet ordre-là, et en fait, vous les saurez à vie. Et il avait raison. Bah, Donc. une petite anecdote similaire. Je sais pas si vous avez étudié l'allemand. Je pense professeur Fun un peu quand même. Ouais, mais moi je suis un cas désespéré. Je crois que c'est, on appelle les prépositions qui sont suivies du datif. Il y a aussi un moyen mnémotechnique. Zeit bei nach zan, Aus bei mit nach sei von zu. en dessous, ouais. Ouais, Voilà, c'est une donc. façon de dire les mots qui fait sens, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est un peu dans le même mode d'idée ce que tu as dit avec les verbes Ouais, là, et voilà, c'est les ça un peu. subjonctifs. On les organise d'une certaine façon et après on s'en rappelle. Et c'est encore grâce à elle, parce que là j'ai pas oublié, que Professeur Fon peut vous chanter le générique de Goldorak. C'est cela, oui. Alors, Professeur Fon, non? Quelle version? Il y en a Ouais, plusieurs. d'abord, quelle version? N'importe, celle que tu préfères, celle que tu retiens le mieux. Mais je retiens peut-être la première phrase. Ouais, vas-y, vas-y. Première phrase. Bon, il y en avait deux comme ça, mais. Ah, t'es quand même cruel. Bon, je me raccroche à l'idée que je peux toujours couper au montage. Ah non. Vas-y, vas-y. Alors, il y en avait une qui était plutôt calme. C'était Actarus dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand les hommes de Vega attaquent, tu sors ton fulgure au poing. Et puis la suite, je me rappelle plus. Et puis l'autre qui était plus péchu, c'était Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, va accomplir ta mission. Et puis voilà, la suite, je me rappelle plus non plus. Bravo! Ouais, merci, Bravo! merci. Ouais, Ouais. franchement. Moi, j'ai une autre version, moi. Ah ouais? Ah, vas-y, Mathieu. C'est Goldorak, le grand Goldorak. Bon, puis après, je me rappelle plus. Il est né d'une autre planète ou quelque chose comme ça. Da, da, da, da, da, da. D'où Ah est-il? D'où oui. vient-il? Na, Ça na, part, ça part en version Goldorak. Non. Ok, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. C'est donc et elle se divise d'ailleurs Très en trois. utile, comme on vient de le démontrer. Oui, très très utile. Mais elle se divise en elle-même en trois catégories. On a la mémoire épisodique, qui elle, c'est celle de nos souvenirs personnels. Paradoxalement, on pense que c'est la mémoire la plus fiable, mais en fait non. C'est bien sûr la moins fiable puisqu'elle se base sur notre ressenti qui peut, avec le temps, transformer le souvenir. Vous voyez, ça c'est tout le monde l'a expérimenté. Hein. Au début, ben, on pense qu'une journée est horrible et après, un an plus tard, ben, en fait, on se dit que c'était la meilleure journée de notre vie. C'est comme ça, c'est les émotions qui font que ça transforme ce souvenir. Bon, ouais, on a tendance à oublier rapidement les mauvais moments, je crois, aussi, beaucoup plus que les Ouais. bons moments. Enfin, ça dépend comment ils sont mauvais aussi. Parce que, y a eu des études qui ont été faites quand même sur les traumatisés des camps de concentration. Et là, c'était l'inverse. Ils avaient développé ce qu'on appelle une hypermnésie, donc une mémoire épisodique très importante des souvenirs douloureux. Et ça avait fait un. Comment on appelle ça? Et en fait, Ouais, bon, ben, il les revivait tout le temps. Il les ouais, mais revivait tout ça le temps. c'est plus un mauvais moment, c'est quasiment carrément Oui, voilà, un c'est pour ça. Mais traumatisme. après, si, j'avoue que dans une vie plutôt pépère, on se rappelle plus Hein. des meilleurs moments. Donc ça, c'est la mémoire épisodique. On a ensuite la mémoire sémantique. Alors elle, c'est celle des faits et des connaissances encyclopédiques. Beaucoup plus fiable que la mémoire épisodique, c'est elle qui stocke par exemple notre vocabulaire, nos langues, etc. Et enfin, la dernière, qui est la mémoire procédurale. C'est celle qui est communément appelée mémoire musculaire. Elle regroupe tous les gestes appris et qui ne nécessitent pas un contrôle conscient. C'est grâce à elle qu'on dit que le vélo, par exemple, ça ne s'oublie pas. Pour résumer, donc, la répétition est la clé de la mémorisation. Elle permet de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Ces données sont ensuite stockées sous forme de réseaux de neurones à la périphérie de notre cerveau. Et l'oubli, lui, vient quand ces connexions ne sont plus assez souvent stimulées en remémorant l'information. Les réseaux de neurones qui se sont construits s'estompent. D'ailleurs, au lycée, un de mes professeurs me disait d'ailleurs, apprendre, c'est oublier trois fois. Et il avait bien raison. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Apprendre, c'est oublier trois fois, ça pourrait ouais. faire l'objet d'une quote. Ouais. Enfin, pour moi, Puis ça alors a toujours comment, marché. d'accord, comment est-ce qu'il y est arrivé? Ben, en fait, quand tu apprends quelque chose, essaie de le revoir trois fois, et à la troisième fois, ben, tu l'oublieras plus jamais. Tu D'accord. vois, c'est comme ça qu'il disait. D'ailleurs, je conclus ce dossier un peu épique par un lien qui répertorie, lui, une liste de moyens mnémotechniques très utiles en science. Vous pourrez ainsi retenir, par exemple, les décimales de pi ou le tableau de périodique des éléments grâce à des associations d'idées. Donc voilà. Voilà, ben, c'était Antoine pour Podcast Science. À vous, studio! Merci bien Antoine, ouais, très, très, très original ce dossier. Ouais, Aujourd'hui, je sais pas. ça m'a bien plu, ouais. J'avais Moi envie de faire un aussi, truc. J'avais très envie en de faire forme. un truc un peu différent. Donc voilà, bah, je pense que ça deviendra la norme. Hein, donc attendez-vous à du. Attendez-vous à du. À de l'épique à chaque fois. Donc voilà. Cool. Donc ravi que ça vous ait plu. Ouais, très cool. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, on parle toujours de la mémoire inexistante des poissons rouges. En fait, c'est encore un mythe. Non, Ils en ont une petite, c'est ça? Enfin, quand même. non, non. Tu Ouais, non. fais faire un truc à un poisson rouge, genre tu le mets en danger, puis il doit trouver un chemin pour s'échapper. Alors, il panique un peu la première fois, puis il finit par trouver. Voilà, tu lui fous la paix pendant une année, tu le remets dans le même bocal, dans exactement la même situation, et puis là, il trouve tout de suite le chemin de la sortie. Manifestement, il s'en souvient, quoi. Il a quand même une. Un an, Ouais, tu dis? ouais, ouais. Ah ouais, Donc, c'est quand d'accord. même une mémoire à long terme. Oui, j'avoue, ouais. Ouais. D'ailleurs, dans ce dossier, j'avais gardé pour plus pour. Vous Ah, connaissez on a une petite coupure, là. ceux qui ont une mémoire absolue ou les choses comme ça? Allô? Je sais pas vous, mais pour moi, il y a des coupures, là. J'entends à peu près la moitié de ce que tu dis, Antoine. Il y a une. Ah, ouais, il y a une coupure? Ah, désolé. C'est bon? Ouais, c'est bon là. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ok, d'accord. Donc, je disais, là, j'ai gardé en rab. pour discuter. Je ne sais pas si vous connaissez les phénomènes de mémoire absolue, tout ça. La mémoire étatique et ces trucs-là? Ouais, la mémoire étatique, tout ça. Donc, juste pour dire que la mémoire absolue, en fait, c'est un mythe. C'est un mythe. Et, en tout cas, on n'a eu encore aucun cas scientifiquement prouvé de personnes qui avaient une mémoire vraiment absolue. Après, C'est-à-dire qu'il se rappelait de tout. qui se rappelait de tout sans aucun contexte. Il y avait un cas que j'ai noté qui s'appelait Elisabeth Stremeyer. Alors, c'était une enseignante à Harvard qui a été testée par son mari, Monsieur Stromayer, et en fait qui pouvait, soi-disant, retenir toute une série une grille avec des points noirs et des points blancs, la retenir et ensuite comparer directement après une autre grille en la lisant et en regardant. Mais bon, il y a eu aucun suivi par d'autres pairs que son mari, donc c'est quand même hautement peu probable, en Hautement fait. biaisé, Hautement biaisé, ouais. ouais. Mais après, sinon, il y a les joueurs d'échecs. Je sais que Garry Kasparov avait une grande mémoire. Là, c'est pas vraiment une mémoire absolue. Garry Kasparov peut se souvenir normalement de toutes les parties qu'il a jouées dans sa vie, à peu près. Et en fait, ça, c'est pas du tout une mémoire absolue. C'est ce qu'on appelle une mémoire de travail à long terme. Et c'est surtout, C'est de l'entraînement, là, beaucoup, ouais, non? c'est l'entraînement en fait. Il a spécialisé son cerveau, donc son hippocampe surtout, à bien classer les informations de façon ultra rapide. Et comme ça, voilà. C'est les deux. Après, je sais pas, vous avez une mémoire comment vous? Enfin, Alan, après. Moi, j'ai une mémoire. J'allais dire de poisson rouge, mais non, je me souviens encore de ce que je viens de raconter il y a 5 minutes. Du coup, ça colle pas. Ouais, non, je sais pas quel type de mémoire j'ai. J'ai tendance à oublier les trucs, effectivement. Mais moi. Mais bon, je suis surstimulé aussi. Je fais face à trop C'est ça. d'informations. Du coup, je pense qu'il y a un filtre qui s'opère. Il y a un truc qui m'épate. Moi, c'est la mémoire procédurale. C'est si je joue un morceau au piano que j'ai pas joué depuis des années, j'ai l'impression que c'est mes doigts qui s'en souviennent. Et puis quand mon cerveau essaye de s'en mêler, c'est la catastrophe. Je suis paumé. Quand j'essaye d'anticiper, j'essaie de me rappeler quel accord Ouais, vient c'est après, vrai. c'est foutu. Alors que si je laisse aller, ça vient naturellement. Ça, c'est surprenant comme impression. Et toi, Mathieu? Non, moi j'ai une mémoire aussi de poisson rouge. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais vu une fois une conférence de Michel Serres, c'est un philosophe français, et il avait dit une chose intéressante parce qu'il disait qu'avec l'avènement de l'informatique et d'Internet et tout ça, finalement on a de moins en moins besoin d'utiliser notre mémoire parce qu'on peut retrouver très facilement toutes sortes d'informations très rapidement sur Internet, et que finalement notre cerveau va se spécialiser de plus en plus, va délaisser un peu l'aspect mémoire pour se spécialiser dans l'intelligence. Donc finalement on va devenir plus intelligent, selon lui, grâce à l'évolution des technologies et tout ça. Parce qu'on déporte D'accord. notre capacité de mémoire dans les ordinateurs, et on va se renforcer au niveau de l'intelligence. Bon, c'est une approche un peu philosophique, je ne sais pas si c'est très scientifique, mais il avait aussi comparé ça un peu avec l'évolution de l'homme, que d'abord les hommes, enfin l'animal était à quatre pattes et ne pouvait pas utiliser ses pattes vraiment pour des fonctions avancées. Et quand l'homme a commencé à se lever, il a libéré ses bras. Et ses mains a pu commencer à utiliser ses mains à des fonctions avancées. Et du coup, ça a libéré certaines autres choses, je me rappelle plus maintenant, et petit à petit, il a fait toute une explication comme ça pour arriver au cerveau humain et faire une sorte de parallèle avec le cerveau humain, quoi. C'était assez intéressant. Ouais, j'aime bien ce Ouais. genre d'approche. Ouais. Donc en Et fait, puis ouais, j'aime bien pour. l'excuse que ça donne aussi pour avoir une très Non, mauvaise mémoire. mais il est vrai qu'on se repose de plus en plus sur des supports. Mais après, c'est vrai qu'il est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal, je pense. Ouais, quand tu dis de plus en plus, je suis pas sûr. Je crois que l'homme c'est même inhérent à son évolution, à ce qui nous distingue de pas mal d'autres animaux. Le fait qu'on ait inventé le feu à un moment donné, ça nous a permis de pré-mâcher nos aliments en les cuisant. C'est comme si on avait délégué une partie de la tâche de la mastication, de la digestion, à une technologie, ce qui nous a permis aussi de nous concentrer sur d'autres trucs, finalement, plutôt que Ah de oui, passer notre journée à ruminer. tu parles ça du comme c'est une autre étape en fait. Mais exactement. Mais... Je pense qu'on on a développé des liens extrêmement étroits avec la technologie, quoi, qui impacte directement notre biologie. Mais d'ailleurs, il y a quelques milliers d'années, quand l'écriture n'existait pas, on se transmettait des poèmes ou des choses comme ça oralement de génération en génération. Mm-hmm. Donc l'homme avait une mémoire absolument impressionnante. Maintenant, on n'est plus capable de faire ça. Et après, quand l'écriture est arrivée, tous ces poèmes ou ces choses qu'on voulait retransmettre de génération en génération, les émises par écrit. Donc, la mémoire a déjà perdu une partie de sa fonction de mémorisation, finalement. Maintenant, on est incapable de se rappeler un poème de 10 pages ou un texte que les Grecs ou je ne sais qui disaient de 10 pages et qu'eux se rappelaient très facilement. Maintenant, on en est absolument incapable. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'imprimerie qui est apparue, il y a une évolution technologique. J'avoue. Et puis... Moi, de toute façon, je dois t'avouer que j'ai jamais compris comment les gens arrivaient à sortir une citation comme ça. Enfin, je retiens le sens d'une citation, mais arriver à la sortir d'un coup comme ça, ça me laisse perplexe. Bon, c'est aussi un exercice, les citations. Ouais, je pense si tu essayes de t'en rappeler, si tu te la répètes trois fois. Ouais, je suis d'accord, mais c'est que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'une citation, c'est toujours quelque chose que tu as pris d'un gros. Mais tu parles d'une citation, juste une phrase, une citation, quelque chose de beaucoup plus. Oui, une phrase tirée d'un roman. Donc, typiquement, c'est quelque chose que tu as lu en entier, dans sa totalité. Mm-hmm. Et juste la phrase, là, comme ça, que tu sors. Enfin, je sais pas si c'est plus une phrase que les gens ont essayé de retenir ou c'est quelque chose qu'ils font naturellement. Aucune idée. Ouais, vaste question. Mais enfin, transition toute trouvée. Ah oui, la suite et fin de l'émission en parlant de citations. Mathieu, t'en as une à nous sortir comme ça du coin de la tête. Ouais, elle est préparée, hein, elle est pas spontanée. c'est une citation qui va un peu dans le sens de mon dossier sur la suite de Fibonacci et du nombre d'or. Elle est d'un physicien qui s'appelle David Gross et elle dit « Au niveau le plus fondamental, la nature, pour une raison inconnue, préfère le beau. » Ça me plaît, ouais. Ouais. Je sais pas si je suis d'accord, mais ça me plaît bien. Ouais, alors c'est vrai que moi j'y réfléchis un peu, je me dis bon, la beauté c'est quelque chose de subjectif aussi. Ouais. Donc, Après, c'est peut-être dans un sens plus large. C'est peut-être pas juste la beauté physique, tu vois. Mm-hmm. Peut-être que la beauté c'est la beauté de. Enfin, de dans le... enfin, je sais pas comment te dire ça. C'est pas que physique, mais genre que c'est beau parce que c'est. Parce que c'est là. Parce que c'est là et que c'est complexe. Enfin, c'est, tu sais, alors justement, j'en ai une autre, je crois, qui va justement dans le sens que tu veux dire. Elle est de Platon. Mm-hmm. Et elle dit « Le beau est la splendeur du vrai. » Ouais. C'est de haut de gamme ce soir. Ah là, tu nous as sorti un truc. Non, mais justement, quand tu disais « Ouais, le beau » dans un sens peut-être un peu plus large, c'est dans le beau dans le sens de la vérité, l'existence. Oui, voilà, c'est là. Ouais. C'est... Mm-hmm. Ouais. Ok, bah, cool. Maintenant, tu nous fais un combo de citations en plus thématiques et tout. C'est énorme. Ah ouais. Mathieu, il s'améliore de semaine en semaine. Quoi. Ouais, mais malheureusement, elles sont écrites. Elles ne sont pas dans ma mémoire. Gravées à tout jamais. Quoi. Tu les gardes ? C'est ta mission pour la semaine prochaine. Alors, il faudra apprendre par d'ailleurs, une citation. Ouais, tes citations, tu t'en rappelles ou pas ? Oui, un certain nombre, oui. Celles qui t'ont vraiment marqué ou... Oui, je pense celles qui m'ont vraiment marqué. Je ne peux pas dire toutes, mais celles qui m'ont vraiment marqué, oui. D'ailleurs, la toute première de Podcast Science... Ouais, celle-là, elle est super. Sans conscience, ouais. Celle-là. Et celle-ci, c'était au lycée, dans une dissertation. C'était une dissertation dans un lycée. Et je m'en suis rappelé toute ma vie, par exemple, de celle-là. Comme quoi, hein, elle est rentrée dans ta mémoire à long terme. Ouais. Ah ouais, moi, ma première disserte, c'était « L'enfer, c'est les autres ». Ça continue de me travailler. Ça annonce sa couleur aussi. Hein. Ouais, effectivement. Je me demande dans quelle mesure ça nous conditionne, ces trucs-là. Ok, très bien. Bon, les amis. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Émission spéciale la semaine prochaine, de nouveau. Ouais. On risque de voir. Tu nous en dire un mot ? Je ne veux pas en dire trop. Je veux dire qu'on aura un entretien avec... Avec un scientifique. Voilà. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est d'accord. Ok, comme ça, c'est le cool. Suspense est à son apogée. C'est cool. Voilà, ben. Excellent, bon, on se réjouit. En tout cas, je me réjouis beaucoup de vous retrouver la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben, bonne semaine. D'accord, bonne semaine à vous. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao.